Unité 5, entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Exercice 2. Situation 0. C'est joli. C'est où? C'est mes vacances à Athènes. Situation 1. À votre droite, vous pouvez contempler la célèbre basilique de la Sagrada Familia. Oh, wow. Situation 2. Tu viens faire du ski ici tous les ans? Bien sûr, j'adore les Alpes. Situation 3. C'est le meilleur moment de l'été. Tu as raison, un dernier verre en terrasse, c'est tellement agréable. Situation 4. Allez, une petite chanson pour la route. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.